S'en allait main dans la main, s'en allait bien avant que l'art oubliait qu'ici on n'est rien, oubliait qu'ici on a part. S'aimer sous le croissant de la lune, et puis faire l'amour sur la dune. À regarder les étoiles, à sauver notre idéal, et puis suivre l'hirondelle, puisqu'au feu et la colombe, l'amour sera notre ciel, mon amour. Tu seras ma tombe, on n'a pas besoin de l'art, dollar, juste tes rêves et sa guitare. C'est le soir de l'indépendance, c'est le soir de la renaissance, puisque l'on s'aime, et puisque moi j'y crois encore, quand tu dis que tu m'aimes, que tu m'aimes à l'amour, que tu m'aimes à la mort. Tant qu'on respire encore, tant qu'on respire encore. S'en aller main dans la main, s'en aller suivre des lueurs. Oubliez qu'ici on n'est rien, oubliez qu'ici c'est la part. S'aimer sur le toit des buildings, tendre le pouce à des Boeing, à regarder l'apocalypse, à attendre la fin de l'éclipse, et puis suivre l'hirondelle, puisqu'au feu et la colombe, l'amour sera notre ciel, mon amour. Tu seras ma tombe, on n'a pas besoin de l'or, dollar, juste tes rêves et sa guitare. C'est le soir de l'indépendance, c'est le soir de la renaissance, puisque l'on s'aime, puisque toi t'y crois encore, quand je te dis je t'aime à l'amour, je t'aime à la mort, tant qu'on respire encore, tant qu'on respire encore, on se meurt à la mort, tant qu'on respire encore. S'en allait main dans la main, s'en allait bien avant que l'art oubliait qu'ici on n'est rien, oubliez qu'ici on a peur. S'aimer sous le croissant de la lune, et puis faire l'amour sur la dune. À regarder les étoiles, à sauver notre idéal.